Vous aussi, investissez dans l'immobilier neuf en toute sérénité avec Kaufmann et Broad. Et jusqu'au 14 juillet, Kaufmann et Broad vous offre les frais de notaire, la garantie revente et d'autres avantages encore à découvrir en espace de vente ou sur investir.kaufmannbroad.fr. Investir dans l'immobilier comporte des risques. Plus d'informations sur kaufmannbroad.fr. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Et nous poursuivons aujourd'hui la rétrospective de ces 13 années de Tête au Carré. Pour nous embarquer aujourd'hui sur le chemin de nos origines humaines, nous avons consacré de très nombreuses émissions à ce sujet en raison évidemment d'une recherche foisonnante et de découvertes majeures réalisées aux quatre coins du monde, depuis notre métissage avec Néandertal jusqu'au fossile le plus ancien d'Homo sapiens, en passant par la découverte de nouvelles espèces humaines. La paléoanthropologie est une science qui ne cesse de faire bouger les lignes de notre histoire commune. Nous revenons sur ces événements marquants dans un instant, avec le grand témoin de l'émission, le paléoanthropologue Yves Coppens. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et on part respirer aujourd'hui le pas si bon air de la campagne d'ailleurs. Oui, puisqu'on va voir que la pollution de l'air fait aussi des victimes en zone rurale. Une étude réalisée en étudiant les mousses dans les forêts. On voit ça dans un instant. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Irène Menahem. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Yves Coppens. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir. Vous êtes aujourd'hui le grand témoin de l'émission pour revenir avec nous sur les moments marquants de la tête au carré en paléoanthropologie. Et ils ont été nombreux depuis 13 ans. Quel regard justement est-ce que vous portez Yves Coppens sur votre science, cette paléoanthropologie qui a connu tellement de rebondissements là ces dernières années? Écoutez, le fait d'abord que cette science soit très active, ce qui est très agréable, qu'elle soit très active sur le terrain, ce qui est important, on le reverra, et puis qu'elle soit très active aussi dans les laboratoires. Et par exemple, la naissance de la paléogénétique, enfin la naissance c'est pas tout à fait le mot, mais le développement de la paléogénétique est venu sous notre nez mettre aussi la main sur le temps, sur le passé. On se croyait maître du temps, mais on n'est plus les seuls. Et c'est évidemment extrêmement important et avec une collaboration très tout à fait brillante. Donc ça veut dire qu'il y a de nouveaux outils qui sont venus quand même un peu bouleverser les choses, mais dans le bon sens, hein? Bouleverser. La paléogénétique va nous éclairer, c'est pas fini, hein, va nous éclairer beaucoup sur les migrations, certainement, et les filiations. Pour un paléontologue, les filiations, c'est essentiel. Savoir, quand on a un fossile, on se demande de qui il descend et vers où il se dirige. Et la paléogénétique, en ce sens, a souvent la réponse. Et il faut dire quand même juste une chose importante que vous savez bien, c'est que la paléogénétique, c'est d'abord fait remarquer en étudiant une phalangette, donc un tout petit bout d'os sur Ryutu. Et sur ce tout petit bout d'os sur Ryutu, elle a déterminé une nouvelle espèce. Laquelle nouvelle espèce, désormais, est si connue qu'on la trouve un petit peu partout à travers, notamment l'Orient, notamment l'Asie. Et laquelle, en l'occurrence, Yves Coppens, quelle est l'espèce qu'on a découverte avec une petite bout de phalange? Ben, elle n'a pas encore de nom scientifique, mais elle a un nom de grotte. Mais dites-le nous quand même. Non, je ne dirais pas. C'est pas Denisova par hasard? Oh, c'est pas par hasard, c'est vraiment. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Alors, on les appelle les Denisoviens parce qu'on n'ose pas les appeler Denisovicus. Ouais. C'est ça, oui. Vous êtes joueur quand même, hein. Non, pas du tout. En tout cas, l'arbre généalogique humain, hein, qui n'a cessé de s'agrandir et qui pose aussi de nouvelles questions parce que plus on découvre et plus finalement ça creuse aussi le grand écart de nos questionnements. Bien sûr, bien sûr. Ceci étant dit, je lisais il n'y a pas longtemps un grand auteur qui est mort depuis longtemps qui s'appelait Henri-Victor Valois. C'était un anthropologue, et cet anthropologue a été directeur du musée de l'âme, entre autres. Et il disait, à cette époque-là, c'était il y a 60 ans, 80 ans, il disait finalement, l'histoire de l'homme n'est pas un peuplier. Mmh. C'est intéressant, hein? Ça veut dire que dès cette époque-là, il avait bien envisagé qu'il y avait plein de branches. Et les branches, comme on les trouve les unes après les autres, on fait des coups d'éclat à chaque fois. Et on n'est pas au bout de nos comptes, tout à l'heure. Et ça fait un joli buisson, en l'occurrence, qu'on va explorer. Non, bouquet. Un joli bouquet. Ah, bon. Oui, buisson, c'est très peu lisible. Allez, on va justement essayer de retracer les grandes découvertes de ces dernières années. Et puis vous répondrez, bien sûr, Yves Coppens, aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Bah, j'essaierai. Allez, à tout de suite. Axel, les mousses qui peuvent aussi nous aider à mesurer la pollution dans les campagnes, c'est le sujet de la Une de la Science aujourd'hui. Oui Mathieu, ces végétaux dépourvus de racines emmagasinent durant leur croissance tout ce qui leur tombe dessus depuis les airs. Et donc ils sont de très bonnes stations de mesure de la pollution. Depuis 15 ans, les enregistrements des niveaux de métaux lourds dans les mousses partout en France permettent aujourd'hui d'estimer la pollution de l'air en zone rurale et ses effets sur la santé. C'est une étude française publiée hier que nous commentons avec vous. Bénédicte Jacquemin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes épidémiologiste pour l'INSERM, chargée de recherche pour l'IRSET de Rennes. C'est l'Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail. Et vous avez coordonné cette étude avec l'Université de Saint-Quentin, Versailles-Saint-Quentin, pardon. Alors, c'est les effets de la pollution atmosphérique dans les campagnes. C'est vraiment le sujet de votre travail. On manque de données à ce sujet. On ne mesure pas la pollution dans les campagnes suffisamment aujourd'hui ? Alors, le sujet principal, c'était en fait de profiter de données qui existaient et de voir si elles pouvaient se mettre en relation avec des données sanitaires. Juste pour rappel, le monitorage ou la surveillance des métaux dans les mousses, ça se fait de très nombreuses années et c'est surtout pour surveiller l'environnement et c'était pas pour mettre en relation avec des données de santé. Mais c'est grâce à une collègue, Emeline Lequille-Flao, qui travaillait au Muséum national d'histoire naturelle, qui sont les responsables de ces campagnes de mesure de métaux dans les mousses, qui a pensé que ça pouvait peut-être se mettre en relation avec des données de santé. Donc, elle m'a contactée et c'est de là qu'est née l'idée de faire ça. Alors, ce qui nous intéressait, c'était pas au début principalement de le faire dans les campagnes, c'était juste de voir s'il y avait une association entre les métaux atmosphériques mesurer de façon originale pour essayer d'estimer l'exposition avec des données de santé. Et il se trouve que les mousses, pour le moment, elles sont mesurées que dans des milieux ruraux, donc surtout dans les forêts, en fait. Et c'est pour ça que l'on a fait cette étude que chez les participants de cette cohorte, qui habitaient en milieu rural ou périurbain et pas dans ceux qui habitaient en milieu urbain, même si c'est prévu. Mais alors expliquez-nous comment on fait pour passer d'un taux de métaux lourds dans une mousse qu'on a récoltée dans la nature à des corrélations avec des données de santé. Comment vous avez travaillé ? Alors ça c'est le travail au départ, c'est le travail d'Emeline et ses collègues au muséum. Donc ils avaient les données des métaux dans les mousses en 500 points sur toute la France et ils ont développé des cartes. On appelle ça d'interpolation spatiale, c'est très technique, mais en fait ce qu'ils font c'est qu'ils ont, en résumé, ils ont grillé la France avec des petites grilles de 2 km sur 2 km, et pour chaque grille, ils ont vu la concentration des mousses en prenant les mousses dans ces grilles, mais aussi dans les mousses dans les grilles autour de cette grille. Mmh. Et donc ça donne une carte qui donne les concentrations dans les mousses de certains métaux sur tout le territoire. Et nous, on a des cartes où on a nos patients ou nos participants dans nos cohortes. Et donc, avec l'adresse de ces participants, on peut mettre aussi nos participants sur des cartes. Et en mettant l'une carte sur l'autre, donc, on sait dans quelle grille notre participant est et donc, quelle est sa concentration en mousse. Alors, en fait, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on compare les niveaux d'exposition les plus exposés vers les moins exposés. Enfin, ou ceux qui habitent dans des zones où il y a plus d'exposition et ceux qui habitent dans les zones où il y a moins d'exposition. Donc, on fait une comparaison spatiale des participants de nos cohortes, des moins exposés vers les plus exposés. Alors, si on donne quelques résultats, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une manière ou d'une autre du niveau des métaux lourds dans les campagnes ? Est-ce qu'il y a de la surmortalité aussi avec ces taux ? Alors, c'est ce que nous, on a trouvé. Alors, et les métaux, ils sont de façon naturelle dans la croûte terrestre. Et il y a certains métaux que si on les retrouve dans l'atmosphère, ça veut dire qu'ils sont là dus à une activité humaine. Et on appelle ça des métaux d'origine anthropique. Et alors, ce que nous, on a fait, c'est que dans les campagnes de mesure, ils ont beaucoup de métaux. Et il y a des métaux qui sont naturellement dans l'atmosphère et d'autres qui ne le sont pas. Et donc, on les a catégorisés en métaux naturels et en métaux anthropiques. Et on a vu que les participants de la cohorte Gazelle, qui vivaient dans des zones où il y avait plus de métaux anthropiques par rapport à ceux où il y en avait moins, ils avaient eu un risque accru de mortalité. Mmh. Et on retrouve ça donc dans les participants qui habitent en dehors des villes, puisqu'on n'a pas pu inclure les participants qui habitaient dans les villes. Comment est-ce que vous vous assurez que c'est bien les métaux qui sont responsables de cet effet que vous voyez sur la surmortalité et que c'est pas une corrélation autre ? Pour le moment, on peut pas le savoir. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est pour essayer de vérifier un peu ça, c'est qu'on a pris statistiquement en compte les particules dans l'air. On a ajusté nos modèles, enfin on appelle ça, c'est très technique encore à nouveau, mais on a ajusté nos modèles sur les particules totales dans l'air pour chacun des participants et la relation persistait. Donc ça peut pointer un peu qu'il y a vraiment une association avec les métaux et de toute façon, il y a des hypothèses toxicologiques a priori qui diraient que les métaux dans les particules peuvent vraiment avoir un effet sanitaire. Est-ce que, pour faire beaucoup plus simple, la conclusion de votre étude est qu'on n'échappe pas complètement à la pollution quand on part vivre à la campagne ? La conclusion de mon étude, c'est que la pollution atmosphérique est nocive et elle est néfaste pour la santé et qu'il y a aussi un peu de pollution atmosphérique dans la campagne. Alors ici, on n'est pas pour faire des comparaisons ville-campagne. Il se trouve que notre étude était faite à la campagne où les niveaux de pollution atmosphérique sont plus bas. Mmh. On sait que les niveaux de pollution atmosphérique sont plus bas et on retrouve quand même des effets dans la campagne. Et c'est vrai que la majorité de nos recherches se focalise dans les villes parce que c'est là où on a les mesures et c'est là où on a la majorité des gens qui habitent. Et il y a moins de recherches sur les effets de la pollution atmosphérique dans des zones rurales qui sont sûrement beaucoup moins exposées, mais où là, on trouve qu'on retrouve quand même des effets sanitaires. Est-ce que, Bénédicte Jacquemin, les mousses servent aussi à estimer la pollution en ville ? Alors, il y a quelques études qui avaient été faites. Pour le moment, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a obtenu du financement pour mesurer, pour extraire les mousses dans des cimetières dans 4 villes en France. Donc ça se fait grâce à un financement de l'ANR et de la Fondation de France. Donc on va mesurer les mousses à Paris, Lille, Lyon et Marseille. Mmh. Et donc, on va essayer de faire la même chose pour ces villes-là, et pas seulement avec la mortalité, parce qu'on sait que la pollution atmosphérique a énormément d'effets sanitaires, pas que sur la mortalité. La mortalité, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir s'il y a une association entre l'exposition aux métaux atmosphériques en milieu urbain, mmh, avec la cognition et les cancers chez les adultes dans une grande cohorte qui s'appelle la cohorte Constance. Pour terminer, Bénédicte Jacquemin, ville et campagne confondues, les troubles et les maladies causées par ces métaux lourds, est-ce qu'on les connaît ? Est-ce que vous pouvez nous les donner ? Alors, on connaît les effets de la pollution atmosphérique. Alors, on connaît, la pollution atmosphérique est associée avec la mortalité, avec les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires, avec des troubles du développement chez les enfants et probablement la cognition chez les adultes, avec des événements de santé périnataux comme le petit poids de naissance ou un risque accru de prématurité, et même avec le cancer. On sait que la pollution atmosphérique a été classée cancérigène type 1 par le CIRC. Et voilà, donc, quelle est la part de ces métaux sur les effets ? Ça, ce n'est pas encore clair, mais voilà, on est là pour répondre à ces questions grâce aux recherches que l'on fait. Merci en tout cas, Bénédicte Jacquemin, pour ces détails. Vous êtes épidémiologiste à l'INSERM. Merci à vous, Axel, à demain. À demain. Merci à vous. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le top départ pour le TMT, c'est le télescope géant hawaïen qui sera bel et bien construit sur le volcan Mauna Kea, malgré les oppositions. Le gouvernement a donné son feu vert hier, après 4 longues années de délibérations et de combats judiciaires avec les populations natives du lieu qui considèrent ce volcan comme sacré. Pour les astronomes en charge du dossier, c'est un soulagement, bien qu'ils estiment que les esprits ne sont certainement pas calmés et que les violences pourraient persister sur le chantier. 3 enfants sur 4 mangent trop de sucre. L'ANSES publie ses nouvelles recommandations alimentaires et le sucre chez l'enfant apparaît comme un problème majeur aujourd'hui dans notre pays. 75% des 4-7 ans mangent trop de sucre selon l'agence, chiffre qui tombe à 60% pour les 8-12 ans et 25% pour les 13-17 ans. Autre souci pointé du doigt pour les têtes blondes, le manque de fer et de calcium. Pour résoudre tout cela en un seul coup, eh bien remplacer les biscuits par des fruits frais à coque et les sucreries par des gâteaux faits maison. Et puis enfin pour terminer, arrêtez de photographier les marmottes en randonnée, même si elles semblent posées, immobiles sur leur rocher, eh bien, il n'en est rien. Dans cette position, l'animal est en alerte et attend que vous partiez. Oreilles tendues, dressées sur leurs pattes, les marmottes font le guet pour la colonie et s'assurent que vous n'êtes pas une menace. Une étude est en cours dans les Hautes-Alpes pour mesurer cet impact, mais les chercheurs précisent que ce temps passé à vous surveiller est du temps strictement perdu pour chercher la nourriture. Donc si les photographes s'enchaînent toute la journée, eh bien, le stress et le temps perdu peut être absolument considérable. Allez, les origines humaines avec Yves Coppens dans un instant. Tu veux chanter ? Oui, on peut commencer. Mon Dieu, tu es une fille. Quand je t'ai connu, tu citais Boris Vian, Camus. Camus who? Camus, le nez dans tes songbooks. Et toi qui te prenais pour Zouk. Ensuite, on a vieilli. Tu t'es durci. J'ai vu Alfie. Je sais c'est qu'elle que peu brutal. Mais la nature est animale. Et pourtant, qui ne dit mon consent à la chair. Quand c'est couvert en fer dans les stations chères. Et plus je les caresse, plus je me dis que tu es comme beaucoup de messieurs. Neil, oui, t'en souvient-il? Tu disais savoir faire la cour. Mais moi, crois toujours toi. Tu m'enivrais de mots d'amour. Plus maintenant, car j'ai cédé au style de vie que je laissais à d'autres hommes moins chic que toi. Ce genre de type qui suscite chez les filles des émois. Et pourtant, qui ne dit mon consent à la chair. Comme c'est couvert en fer dans les stations chères. Et plus tu les caresses, plus tu te dis que je suis comme beaucoup de messieurs. Je suis comme beaucoup de messieurs. La Divine Comédie avec Valérie Lemercier. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà Yves Coppens, vous êtes notre invité cet après-midi pour revenir sur ces 13 années de tête au carré dans votre domaine, la paléoanthropologie, pour répondre aux questions des auditeurs qui nous rejoignent également sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque, et puis avec également l'oreille attentive des élèves de collège de Charles Péguy à Palaiseau qui sont avec nous. Tout va bien les amis? Oui, ils sont tout timides, tout sages, mais c'est pour vous écouter Yves Coppens nous parler des origines humaines. Il y a quelques mois, on vous avait reçu à l'occasion de la sortie de vos mémoires qui étaient parues chez Odile Jacob. Vous racontiez comment était née votre passion pour la préhistoire, vous le breton. Vous disiez que vous aviez attrapé l'archéologite, hein, c'est bien ça? Oui, absolument. Ouais, le virus reste toujours bien présent? Ben oui, c'est difficile à soigner. Hein. Oui. J'ai essayé des tas de médicaments, mais ça marche pas du tout. Rien n'y fait. Hein. Non, rien n'y fait, oui. Vous êtes toujours sur le terrain, par Mons et par Vaux. Oui, par Mons, surtout par Mons. Enfin, je marche moins bien, je vois moins bien, donc je fais ce que je peux, mais je suis bien sûr que je suis toujours sur le terrain. Ouais. Ouais. Vous étiez à Lascaux il n'y a pas très longtemps. Oui, mais hein? Ça c'est un terrain quand même confortable, hein, parce que ouais. En plus ce sont les copies de Lascaux. Ouais. Et comme j'y ai abondamment participé, comme vous savez, pendant sept ans. Ouais. J'ai été responsable de la petite grotte, bien ouais. Sûr derrière la conservatrice, mm-hmm. Bauriac. Lascaux, mais tout à fait. Ouais. Cher. D'ailleurs, tiens, on parlait des petites mousses tout à l'heure ouais. Avec la pollution. Comment vont celles des parois rocheuses de Lascaux? Bah, nous, on les élimine, hein. Donc ouais. elles vont pas du tout. Elles tant mieux. Pas bien. C'est du un tout, vrai sujet, hein. Parce qu'on les a sorties. Oui. Ouais. Bah, c'est un vrai sujet, bien sûr. La biologie est trépidante, hein, comme vous savez. À partir du moment où on les donne les moyens de vivre, bien sûr, la vie est fantastique. Elle fleurit partout, ouais. Elle s'épanouit partout. Et... Le vivant en horreur du vide aussi, c'est oui, d'une certaine manière, oui. La recherche des niches écologiques disponibles est vite remplie, vite répandue. Ouais. Et à une certaine époque, vous savez, on disait la planète est fichue, la biologie, n'en parlons plus, la vie est terminée. Oui. On le dit encore un peu quand même, non? Oui, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La vie, pensez-vous, elle est beaucoup plus active que ça. Songez que il y a des bactéries ou quelque chose de ce genre qui sont allées se balader dans l'espace et qui sont revenues tout de suite. Ils vont très très bien, oui. Ils nous survivront largement. Et après 20 000 ans, 30 000 ans de sieste, les petites bactéries du permafrost commencent à montrer leur nez. Oui. Mmh. Quels sont justement les lieux dans le monde qui sont les hotspots, un petit peu pour étudier les origines humaines, Yves Coppens? En ce moment, où est-ce qu'il faut se trouver pour essayer de trouver, justement, de dénicher de beaux fossiles? Oui, ça dépend ce qu'on cherche. Hein. Si on cherche les origines, c'est évidemment En Afrique tropicale. Oui, c'est confirmé, affirmé. Il semble bien que ce soit ça et pas ailleurs. Si on cherche à des époques moins anciennes, ça peut être toute l'Eurasie. Enfin, le sens du temps, c'est l'Afrique d'abord, l'Eurasie après, l'Amérique enfin. Donc, ça dépend via ce qu'on cherche. Hein. Hein? Oui, l'Eurasie, j'ai bien dit l'Eurasie. Ouais. Non, mais l'Europe, c'est un petit bout de l'Asie. Oui, mais c'est avant de passer aux Amériques, hein, qui est beaucoup plus récente. C'est avant de passer évidemment. Aux Amériques, et le passage aux Amériques s'est fait, comme vous le savez, par l'extrême-orient. Ouais. Le détroit de Bering, c'est ça. Hein. Oui. Je suis allé, hein. Oui. Je suis allé faire le parcours pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais. Sauf qu'à l'époque, une époque très lointaine, on pouvait passer à pied. Hein, à chaque fois qu'il y a des glaciers, les glaciers ont besoin d'eau, ça va de soi. Et donc, comme les glaciers ont besoin d'eau, ils vont pomper l'eau dans les océans, et les océans en baissent. Et dans des mers comme la Manche, ou comme bien sûr le Bering, mais aussi la mer de Java, la mer est si peu profonde, moins de 100 mètres, que finalement, elle disparaît. Donc, on passe à pied sans s'en rendre compte. Vous savez, j'ai écrit au moment où ces amis ont creusé le tunnel sous la Manche, ses amis et collègues, je leur ai écrit en disant arrêtez, on va vers une glaciation, c'est vraiment pas la peine, on va passer à ça. Ils m'ont pas répondu. Les choses seront beaucoup moins coûteuses. Ils m'ont pas répondu. Oui, c'est ça, parce qu'ils étaient impatients. Et il faut être très patient quand on est comme vous, paléanthropologue, parce que c'est vraiment une vertu très très importante. Et d'ailleurs, Michel Brunet, qui est un de vos camarades, on peut le dire, parce qu'on a essayé de vous opposer, de vous mettre en compétition. Oui, ça a raté, oui. Voilà, mais vous êtes plutôt très très bon copain. Michel Brunet était notre invité en octobre 2014 et il revenait sur sa découverte d'Abel dans un lieu de l'Afrique qui venait un peu contredire votre théorie de l'Isai Story, Yves Coppens. On l'écoute et puis on en parle juste après. J'étais persuadé, j'étais convaincu que au Cameroun, il y a le rift avorté de la Bénoué et que dans ces émigraben, là, il y avait du tertiaire de conservé. J'étais absolument convaincu qu'on allait trouver. Ouais. Eh bien, j'ai trouvé des tas de choses, mais pas ce que je cherchais. Et pendant 10 ans, vous avez cherché au Cameroun. 15 ans. Il faut être drôlement entêté quand même, non? Ça fait partie de notre métier. Oui, mais il faut avoir du temps. Vous croyez qu'à l'heure actuelle, je m'en vais en Antarctique pour chercher des petites dents qui font un millimètre sous la banquise, vous savez. Hein, bon, hein. Non. Bon, passons. Au Cameroun, on n'a pas trouvé. Puis un jour, on m'a dit, bon, ben voilà, tu peux venir au Tchad si tu veux. Et en 95, janvier 95, on a mis au jour Abel. Et Abel était, sans aucun contexte, un australopithèque. C'était un australopithèque. Il avait une canine préhumaine absolument merveilleuse. On n'aurait trouvé que la canine, c'était suffisant. Ouais. Et il était plus vieux que Lucie. Il était plus vieux, on a une datation radiochronologique à 3,5. Ouais. Mais c'est pas ça la chose importante finalement. Mais là, vous faites quand même tomber la théorie d'Yves Coppens. C'est pas ça qui est important. Ouais. C'est quand même pas rien. Non, ce qui est important, si vous voulez, pour moi je le ressens comme ça. Ce qui est important, c'est que c'est la première fois qu'en Afrique centrale, on trouve un australopithèque. Et je compare ça souvent à Armstrong quand il a été sur la Lune. Il a planté un drapeau. Eh bien, nous, à l'Ouest, avec mon équipe, franco-tchadienne, on a planté un drapeau aussi. On a dit, bon, ben là, il y a aussi des hominidés. Quelques années après, on en plantera un deuxième avec Toumaï. Oui, et puis alors là, vous faites un sacré coup, là. Hein. Ça montre au moins une chose, c'est que d'un seul coup, vous vous rendez compte, les préhumains, Afrique du Sud, Afrique orientale, et d'un seul coup, on ouvre le territoire de jeu, notre territoire de jeu, de prospection. À toute l'Afrique centrale. C'est énorme, c'est absolument énorme. Quel âge pour le crâne de Toumaï, Michel Brunet? Un peu plus de 7. 7 millions d'années, plus de 7 millions d'années. Oui, ce qui est important, c'est que Lucie, la grand-mère de l'humanité. Quand elle est née, c'est la grand-mère de l'humanité. Eh bien, vous rendez compte que Lucie, la grand-mère de l'humanité, cette jeune grand-mère de l'humanité, elle est plus proche de nous, un peu plus de 3, qu'elle n'est proche de Toumaï, 4. Voilà, c'était en octobre 2014 dans La Tête au Carré avec donc Michel Brunet et vous-même d'ailleurs Yves Coppens, j'ai entendu votre voix là, vous étiez présent dans le studio justement. Bah, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'étais discret. Ah oui, bah, il faut être discret avec Michel Brunet, il faut lui laisser évidemment la place pour qu'il nous raconte un peu ses découvertes extraordinaires. Il dit on a planté un drapeau à l'ouest. Hein. Oui, c'est joli. Mais c'est une belle image. Hein. Oui, mais c'est tout à fait ça, oui. Parce que ce berceau, moi je l'avais envisagé en Afrique de l'Est tout simplement parce que les restes qu'on avait trouvés étaient là, quoi. La science est froide, elle fait avec ce qu'elle a. Et puis, d'un coup, au lieu d'être un berceau est-africain, c'est devenu un berceau concentrique. Moi, je l'appelle déjà oui, concentrique. C'est ça. Parce qu'il est tout autour, il est dans la savane, il est tout autour, la savane actuelle, il est tout autour de la forêt, et il est aussi bien au nord, enfin, en l'occurrence en Afrique centrale, qu'à l'est, là où j'ai travaillé si longtemps, que dans le sud. Ouais. Est-ce qu'il pourrait se déplacer encore un peu plus, ce berceau, aller encore plus au sud de l'Afrique, par exemple? Le sud de l'Afrique, il est déjà largement occupé, hein, puisqu'il y a des australopithèques, c'est pré-humain, plein à l'Afrique du Sud. Donc, dans le sud, il n'y a pas de problème. C'est plutôt dans le nord que ça se poserait. Alors, le nord, il y a le Sahara. Mais le Sahara, il n'a pas toujours été Sahara. Donc, aussi, c'est pré-humain, apparemment. Aurait pu peut-être passer un peu plus au nord. Mais il semble que ces gens-là, quand même, qui précèdent l'homme, sont très inféodés à un milieu. Ouais. Si le milieu n'existe pas, il ne bouge pas, quoi. Moi, vous savez, j'ai vécu beaucoup en Afrique, vous savez bien, et dans la brousse, vous savez bien aussi. Et les bestiaux de la forêt, ils sont en forêt, ils viennent jeter un coup d'œil à la lisière de la forêt, mais ils n'en sortent pas, quoi. Ouais. Et de même, les singes, par exemple, les babouins de la savane, il jette un coup d'œil à la forêt, mais il n'y entre pas. Quand on est inféodé à un milieu, on y reste, sauf l'homme qui a conquis tous les milieux ou presque. Michel Brunet le rappelait, Yves Coppens, votre Lucie, hein, donc grand-mère de l'humanité, est plus proche de nous que de Toumaï, qui a été trouvée il y a plus de 7 millions d'années. Donc ça, c'est assez vertigineux sur l'échelle du temps, quand il faut se représenter justement cet arbre généalogique. Absolument, absolument. Mais vous savez que cette échelle du temps est difficile à exprimer. Et qu'en général, de longs pédoncules précèdent les périodes que l'on connaît le mieux. Vous rendez compte que la vie a 4 milliards d'années et que tout ce qui précède 500 millions, 4 milliards, tout ce qui précède 500 millions d'années, pendant longtemps, ça a été appelé le pré-cambrien. Autrement dit, le pré-cambrien, c'est 3 milliards 500 millions d'années. De l'histoire de la vie sur Terre. Et après, à partir du Cambrien, on détaille les 500 derniers millions d'années. Donc tout ça est un peu relatif quand même. Ouais. Lucie, aujourd'hui, ça reste évidemment la très très grande découverte. Évidemment, en raison de son squelette aussi, hein, relativement complet. Est-ce qu'on pourrait encore découvrir un spécimen comme Lucie, à votre avis, avec autant de pièces? Oui, il y en a eu d'ailleurs. Hein. Aussi ancienne, hein, évidemment. Hein. Oui, mais on a trouvé plus ancien et plus complet. Par exemple, ce qu'on appelle Littlefoot, qui est charmant. Ouais. Le petit squelette d'Afrique du Sud qui doit avoir 3,4 millions, quelque chose comme ça. Lucie, 3,2 millions. Quand on dit, Lucie, 3,2 millions. Quand on dit Lucie, découverte extraordinaire, elle l'a été à son époque, quoi. C'est-à-dire qu'à son époque, 3,2 millions, c'était un record. Donc c'est une première information. Ensuite, trouver 52 morceaux sur 206, c'était aussi un record. C'était un record, mais ça ne l'est plus. Et puis, à cette époque-là, et dans mon labo, j'en suis fier, qu'on en a trouvé que Lucie était debout, donc elle était bipède, mais en même temps, elle continuait à grimper aux arbres. Et c'est cette sorte de bilocomotion qui a été largement confirmée depuis et qui nous a réjouis sur le plan scientifique. Ceci dit, Lucie, quel que soit le fossile que l'on trouve aujourd'hui, qu'il soit plus complet ou plus vieux, Lucie reste la petite vedette. Hein. C'est bizarre, c'est absolument, la grande star, mais on peut le dire. Yves Coppens, notre invité cet après-midi pour commenter ces 13 années de paléoanthropologie et bien sûr pour répondre aussi à vos messages. J'ai repensé à cette nuit, dans tes bras un instant. C'est... vaste et si long et infini, éphémère pourtant. Ton souvenir c'était si bien, c'est sûr, j'y repenserai demain. Ton souvenir c'était si bien, c'est sûr, j'y repenserai demain. Ton silence me fait douter, tu laisses un vide en moi. Je crois que j'ai aimé la violence de tes choix, tes mains qui englobent mon cou et l'étreinte d'une nuit à genoux. Je sais que je ne devrais pas, je sais que je ne devrais pas, mais j'en veux encore, encore. Et ton souvenir c'était si bien, c'est sûr, j'y repenserai. J'ai besoin de sentir quelque chose en moi. Je te parle de souvenirs et tu sais qu'ils en disent long. Fais-moi revenir, je ne dirai pas non. Oh, j'en veux encore. Encore, c'était Vendredi sur mer. La tête au carré. Sur France Inter. Yves Coffepince, notre invité donc cet après-midi dans cette rétrospective tête au carré. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Yves Coffepince. En tout cas, pour nous, l'une des découvertes les plus marquantes de l'histoire de l'émission, ça a été l'annonce de notre métissage avec Néandertal. En séquençant le génome justement de Néandertal en 2009, le généticien Sven Tepebe et son équipe de l'Institut Max Planck à Leipzig ont montré donc que notre espèce Homo sapiens avec Néandertal s'était mélangée. Ça représente quand même quelque chose d'assez... révolutionnaire, non, dans ce domaine. Je vais vous dire oui et non parce que depuis très longtemps on hésite, on a hésité. Mm-hmm. Au début, les gens disaient bien sûr que Néandertal et Sapiens se sont mélangés, ont été interféconds, et puis d'autres disaient non, ce sont des espèces bien ouais. différentes. Puis on revenait à ça, mais l'intérêt de cette génétique, c'est que elle a véritablement pénétré le problème, si je puis dire, et qu'elle a démontré. Vous savez bien, qu'en science, on a des idées, mais tant qu'on les a pas démontrées, ce ne sont que des idées. Mmh. Et ça, c'est très important. Alors moi, ce que je propose aussi, c'est que on oublie, nous les paléontologues, que l'humanité est culturelle. L'humanité a inventé l'environnement culturel. Et la culture, c'est par exemple parler, ce qu'on fait en ce moment, et cette culture a fait que les rapports entre les gens sont beaucoup plus nombreux et bien différents des rapports entre les animaux. Et donc, il me semble que tout ce qu'on appelle les espèces humaines ne sont pas véritablement des espèces avec les limites que l'on crée, que l'on imagine en biologie. Mmh. On imagine, hein, parce que finalement, elles ont plein de pores, elles sont poreuses aussi. Mais que ces espèces sont des pseudo-espèces et que l'interfécondité a dû exister de tout temps entre toutes les espèces humaines. On recevait Sven Tepebe, justement, le découvreur de ce métissage, le 26 octobre 2015, dans la tête au carré, et nous l'écoutons ensemble. Well, it was really progressively, as we started Neanderthal genome and compared it to present-day genomes, it's ça s'est fait graduellement, en fait, mais à mesure qu'on arrivait à cartographier ce génome, il nous est apparu que des humains modernes portaient en eux un patrimoine génétique aussi infime soit-il, qui venait de l'homme de Néandertal, et cela est vrai pour tous les humains modernes, sauf sur le continent africain, en Afrique subsaharienne. Et ça, c'est une véritable révolution scientifique. Well, it was a great surprise to me. Ça a été une grande surprise pour moi, déjà, car jusqu'alors, on avait pu étudier seulement l'ADN mitochondrial, qui n'est qu'une partie infime du génome et qui se transmet uniquement par les femmes, de femme à femme. Et cet ADN mitochondrial néandertalien ne se retrouvait pas dans les humains modernes. Donc voilà pourquoi j'ai pensé qu'il n'y avait pas eu de métissage. Mais après, la vérité, les preuves scientifiques me sont apparues et j'ai donc bien dû admettre qu'il y avait eu des croisements, un métissage entre les hommes de Néandertal et les humains modernes. Voilà Yves Coppens, qu'est-ce que ça change finalement pour nous de le savoir en tant qu'homo sapiens, à votre avis, que nous avons en nous quelques parts d'ADN néandertalien ? Ben, ça change tout de même beaucoup de choses dans nos mentalités, quoi. On avait l'impression que les homo sapiens étaient purs, enfin c'est idiot de dire ça parce que ça évoque bien des connotations anciennes, mais que les homo sapiens, c'est des homo sapiens et puis c'est tout quoi. Nous sommes modernes depuis toujours, enfin depuis longtemps. De souche, oui. Et puis tout d'un coup, le fait que notre ADN soit bien plus compliqué que cela, et Peybo, vous savez, est allé beaucoup plus loin maintenant, puisque il arrive à déterminer des interférences avec d'autres espèces. Oui. Comme dont Denisova, dont on parlait tout à l'heure. Absolument. On a un peu de Denisova également en nous. Dont Denisova. Et Denisova est beaucoup plus mêlé aux formes humaines d'Orient et d'Extrême-Orient. C'est vrai. Ce qui montre d'ailleurs une répartition géographique intéressante. Et cette, enfin, on l'a déjà dit, mais cette génétique nouvelle, cette paléogénétique, vient nous apporter beaucoup de choses. Alors, en mai 2016, une publication dans Nature venait également bouleverser les connaissances sur l'homme de Néandertal, qui se serait aventuré dans les grottes et surtout explorer le monde souterrain il y a bien plus longtemps qu'on ne pensait, il y a 116 000 ans, pour construire d'énigmatiques structures dans la grotte de Bruniquel. C'est dans le Tarn-et-Garonne. On va écouter Jacques Jaubert, qui est préhistorien, et on commente ses propos juste après ensemble. Les conséquences sont énormes, parce qu'on fait bouger les lignes dans plein de domaines, et c'est surtout la démonstration que Néandertal s'approprie le monde souterrain. Ça, c'est complètement inédit, enfin, c'est quelque chose auquel on pense même pas, on n'avait pas pensé à ça. Alors, après, il y a d'autres éléments qu'on rajoute, il y a la capacité à circuler dans un karst, donc à s'éclairer, à maîtriser le feu de manière autre que pour du foyer domestique ou de la cuisson, et puis on va pas dans un milieu souterrain. Voilà, pour des raisons alimentaires ou de subsistance, c'est pour quelque chose qui est au-delà, c'est de ce qu'on appelle de l'immatériel. Donc il y a quelque chose de cultuel, de religieux, de symbolique, et ça c'est plutôt la chasse gardée des hommes modernes, c'est pas trop Néandertal. Voilà Yves Coppens, encore un bouleversement finalement dans notre perception des autres espèces aussi. Oui, mais on aurait pu y penser plus tôt quoi. Ce qui se passe c'est que lorsqu'on découvre, c'est lui qu'on découvre le premier Néandertal. Et lorsqu'on le découvre, on s'attend à trouver un ancêtre qui soit beau. Ouais. Et puis il manque de chance, il n'est pas très beau, Néandertal. Ouais. Quoi. Quand vous dites c'est le premier qu'on découvre, c'est au 19e dans l'histoire de la paléoanthropologie. 1829. Hein. Le premier homme fossile était Néandertal, parce que c'est en Europe qu'on l'a trouvé. Et les suivants aussi. Celui de 1848, c'était à Gibraltar. Celui de 1756, dans la vallée de Néander, etc. Et on a trouvé, malheureusement, pour lui, si on peut dire, pour Néandertal, l'homme moderne, l'homme de Cro-Magnon, très vite après, 1868. Donc, l'homme de Cro-Magnon, ça y est, on était heureux. Il avait un grand front, il avait un beau manteau. C'est nous, hein. Oui, c'est nous. C'est nous, on était contents, oui. Ça y est, on avait l'ancêtre. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment rejeté Néandertal comme un affreux personnage avec qui on n'avait pas de relation du tout. Et donc, il est en train de revenir à sa vraie place. Ah oui, une vraie réhabilitation, là. La tête haute. J'ai une petite chose à vous dire à ce sujet, que vous connaissez d'ailleurs sans doute, c'est que récemment, un dateur, quelqu'un de Leipzig aussi d'ailleurs, qui fait des datations uranium-thorium, a trouvé que ce qui recouvrait certaines peintures rupestres de grottes espagnoles était bien plus ancien que les hommes modernes. Ça voudrait dire que les premières peintures étaient pas... pourraient aussi avoir été des barbouillages de... Vous imaginez ? Barbouillages avec un B majuscule. Quoi. Ça, c'est terrible pour notre narcissisme légendaire. Ah, d'ailleurs, ça a de la peine à passer. Hein. C'est vrai, oui. Ça, ce serait une vraie blessure encore pour Homo sapiens. Oui, alors on n'est pas sûr de ça, bien sûr. Mais quand même, dans trois grottes, ça se révèle... En tout cas, Bruniquel montre une maîtrise de l'esthétique qu'on n'attribuait pas du tout à Néandertal auparavant. Hein. Et puis, le fait qu'il soit allé loin dans les grottes, on avait dit que les Homo sapiens pénétrait petit à petit les grottes. C'est Laurent Courant qui avait dit ça. D'abord, il travaille dans les environs de l'ouverture, et puis après un petit peu plus loin, puis après tout au fond. Or là, Néandertal qui précède, lui, il est allé au fond directement, pour faire de la religion, quoi, pour faire, ouais. J'allais dire de la magie, mais non, c'est mieux que ça, pour faire des rites. Donc ce qui veut dire qu'en tant que scientifique, dans votre discipline Yves Coppens, il faut être particulièrement plastique, j'allais dire, face aux nouvelles découvertes, parce que ça remet toujours tout en cause à chaque instant, non? Oui, tout, non, mais il faut être plastique dans tout, hein. Vous savez, toutes les sciences, vous le savez bien. Toutes les sciences, enfin, la science, je le redis, elle est froide, donc elle pense que c'est comme ça, puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est autrement, et il faut à ce moment-là avoir la souplesse nécessaire de changer, sinon on n'est pas scientifique. Ouais. Jean-Paul demande sur franceinter.fr, est-ce que vous ne pensez pas que l'on va assister à la sixième extinction de masse des espèces, que cela est inéluctable, et que le déterminisme est ainsi ? Le déterminisme, non, mais l'extinction, en effet, actuellement, pour des raisons différentes des extinctions précédentes, a l'air bien engagée, puisque la fameuse diversité biologique, la biodiversité, s'effondre, s'écroule. Ceci étant dit, enfin, je ne veux pas être optimiste à tout craint, mais comme ce correspondant le sait bien, les extinctions précédentes ont été suivies de superbes réapparitions, naissances. Ouais. De nouvelles formes et tout un nouveau écosystème, ouais. De nombreux écosystèmes nouveaux, et toute une nouvelle... Sauf que ça prend un peu de temps quand même. Biodiversité. Hein. Oui, mais on a le temps. Ouais. Mais l'espèce humaine, elle disparaîtra. Vous êtes pressé, vous? Bon, écoutez, de toute façon, on subira les choses probablement, mais le jour où une autre espèce pourra renaître, ça demandera certainement beaucoup, beaucoup de temps, non? Si jamais la nôtre disparaît, puisqu'elle est la seule aujourd'hui. Oui, non, elle n'est pas la seule quand même. Il y a quand même la diversité biologique existe toujours, même s'il y a des chutes. Mais chez l'humain. Oui. Oui, chez l'humain, oui. Oui, chez l'humain, d'accord. Mais chez l'humain, d'abord, il y a l'Homo sapiens n'a pas tellement de raisons de disparaître pour le moment. Il n'y a pas d'annonce de ce genre. Mmh. Et d'autre part, il se transformera sûrement. Mmh. Regardez, chaque espèce dans la nature, le temps qu'elle a duré, dans la mesure où elle est en équilibre dans son milieu, elle dure. Dès que le milieu change, elle change. Donc il n'y a pas de raison qu'on reste sapiens pour l'éternité. Bon, en tout cas, j'aime votre optimisme. Merci. Il est là quand même, Yves Coppens. Et ça fait du bien en ces temps un peu troublés quand même. Hein. Qu'est-ce que vous trouvez de troublé là? La canicule, sans doute. Non, ça doit être ça. Allez, on se retrouve dans un instant, suite et fin de cette rétrospective. Caramel Ice Cream, c'était Métronomie. La tête au carré sur France Inter. Yves Coppens avec nous pour les dernières émissions de Tête au Carré et pour commenter aujourd'hui la paléoanthropologie. Alors je rassure les auditeurs qui découvrent que l'émission s'arrête. Alors effectivement, elle va s'arrêter après 13 années, mais à la rentrée, on va se retrouver avec un nouveau rendez-vous qui sera consacré à l'environnement, à la biodiversité, à la place de l'homme dans la nature au sens très large. Un rendez-vous donc qui s'appellera la Terre au Carré. Voilà, on va changer un petit peu Yves Coppens. Mais le climat, ces questions-là, elles vous intéressent aussi, vous, en tant que paléanthropologue, hein? Non seulement ça nous intéresse, mais sans le climat, on comprend pas grand-chose, quoi. Puisque on l'a déjà tout à l'heure, lorsque un être est en équilibre dans son milieu et que le milieu ne change pas, il change pas. Il n'y a pas de raison. En général, quoi, de manière majoritaire en tout cas. Et lorsque le milieu change, il est en déséquilibre, donc il faut bien qu'il change lui-même. Donc le climat est fondamental. C'est ce qui entraîne la sélection naturelle, sélection naturelle. Alors Homo sapiens, là aussi il y a eu du nouveau hein, au cours de ces dernières années, même très très récemment, puisqu'en juin 2017, en une de Nature, on apprenait que sur le site de Jebel Irhoud, eh bien 5 individus datés d'environ 315 000 ans repoussaient donc l'âge de notre espèce. Et puis pas qu'un peu, hein, c'est plus de 100 000 ans par rapport à ce qu'on savait déjà. On va écouter Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck, qui a été à l'origine justement du groupe de scientifiques qui ont découvert précisément ces Homo sapiens de 300 000 ans à Jebel Irhoud. Alors pourquoi est-ce que nous attribuons ces fossiles à Homo sapiens? Ben tout bêtement parce qu'ils possèdent des caractères que l'on ne connaît que chez les hommes modernes, récents, en particulier des caractères de la face et des caractères de la denture qu'on ne connaît nulle part ailleurs. Et donc ça, ce sont des choses qui les relient directement à nous. En plus, ils sont au bon endroit et au bon moment, si je peux dire, pour être à l'origine des hommes que l'on dit modernes. Et là, il y avait une mandibule, en l'occurrence, qui était en excellent état, quand même. Oui. Hein. Alors, en même temps, ces fossiles ont aussi des caractères qui sont des caractères plus primitifs. Et c'est normal, ils ont 300 000 ans. Donc, ce serait très étonnant qu'ils soient exactement comme... comme vous et moi. Mais vous disiez au Collège de France, si on croisait aujourd'hui cet Homo sapiens archaïque dans le métro, a priori, on ne serait pas très choqué. Hein. Bon, dans le métro, on voit énormément de choses. Mais effectivement, le visage, c'est quelque chose auquel on est très sensible. Ouais. Et le visage de ces hommes, en tout cas, le squelette qu'il y a derrière, c'est un squelette de la face qui rentre complètement dans la variation actuelle. C'est-à-dire que quand on fait une analyse statistique, morphométrique très très sophistiquée, et là c'est pas une impression, c'est une mesure mathématique, eh bien ces gens-là tombent en plein milieu d'un nuage qui est le nuage des hommes actuels. Alors Yves Coppens, belle découverte encore. Super, hein. Oui, super, alors oui. Publication en 2017, mais en réalité on connaissait bien ce site de Jebel Irhoud au Maroc depuis les années 60 quasiment. Hein. C'est ça, oui. Je veux pas vous faire tout l'historique, mais je le connais bien et pour cause, parce que j'ai été le détenteur des crânes du Jebel Irhoud. Ouais. 61 découvertes, un ouvrier qui donne ça à son chef de chantier, qui donne ça à un prof de Rabat. Le prof de Rabat vient à Paris, il donne les crânes, deux crânes, à Camille Arambourg, car Camille Arambourg est mon patron, avant de mourir, il me les lègue, et je me trouve propriétaire, enfin détenteur des crânes du Jebel Irhoud. Comme après étude, il m'a semblé que c'était bien de les rendre au Maroc, et je l'ai rendu au roi Hassan, Hassan II. À quel moment? En 1982. Mais à ce moment-là, on parlait de 50 000 ans, en effet. Ouais. On parlait déjà d'Homo sapiens, hein, ouais. Mais on parlait de 50 000 ans. Donc il avait déjà des caractéristiques morphologiques d'Homo sapiens. Ah oui, hein, oui, hein, oui. Homo sapiens, ça, c'est tout à fait incontestable. C'est le discours que j'ai tenu au roi Hassan II en 82. Ceci dit, si on peut dire, il n'avait que 50 000 ans. Oui, c'est un jeune homme. Oui, puis ils ont pris d'un coup quelques centaines de milliers d'années. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que ça, c'est amusant le cheminement là que vous nous décrivez. C'est-à-dire qu'on se passe le crâne. Après le roi, alors comment est-ce qu'il est revenu dans les mains des équipes de scientifiques? Non, alors le roi, moi j'avais remis ces crânes au roi tout simplement parce que plusieurs ministères du Maroc me les demandaient et que c'était pas à moi de décider. Mmh. Et le roi a décidé que ça irait au musée d'archéologie de Rabat. Donc c'est normal. Mmh. Et au musée d'archéologie, ils sont devenus bien sûr accessibles à tous les chercheurs. Mais des recherches se sont poursuivies au Maroc. D'ailleurs, Hublin en a poursuivi lui-même pendant un certain temps. Et dans ces recherches suivantes, on a trouvé d'autres éléments de ce même homo sapiens du Jebel Irhoud. Donc petit à petit, on a fait sa connaissance. Et c'était une mine de barytine à l'origine. Hein. Et toute la partie exploitée était évidemment ne laissait que peu de chance aux paléanthropologues de trouver des choses. Tandis que ce qu'a trouvé Houblin, c'est un morceau de la carrière qui n'avait pas été touchée du tout, d'où une merveille de recherche. Pour la datation en particulier ? Alors pour la datation, 300 000 ans, c'est considérable. Mais attention, Houblin dit bien que comme c'est 300 000 ans et que c'est en doute 300 000 ans avec un Homo sapiens en Afrique du Sud, ça signifie que si c'est 300 000 ans au Maroc, 300 000 ans en Afrique du Sud, les Homo sapiens sont plus anciens partout en Afrique. Ouais. Il dit bien pas d'Africains. Ouais. Et donc ils sont plus anciens. Donc ça veut dire que l'origine de l'homme moderne est en effet africaine et qu'elle est, 400 000, 500 000, 500 000 ans. Sauf qu'on n'a pas trouvé le fossile là pour le coup. Hein. On n'a pas trouvé de fossiles, on a trouvé les outillages. Alors les outillages ne sont pas non plus tout à fait superposables aux fossiles. Je veux dire que c'est pas parce que on trouve ce qu'on appelle Middle Stone Age, enfin peu importe, des outils en pierre d'une certaine technique, que retrouvant ces outils, on soit sûr que ce soit Homo sapiens qui en soit l'artisan. Mais si on se fie à l'outillage, c'est 500 000, 600 000. Ouais. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres découvertes antérieures, d'ailleurs celle d'Homo naledi, une nouvelle espèce. Alors il y a eu justement une grande variation dans sa datation. On est passé de millions d'années à de centaines de milliers d'années, ce qui n'est pas du tout pareil, mais ce qui nous renseigne sur l'histoire d'Homo sapiens finalement. Absolument, absolument. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a toujours pas de solutions, en tout cas de solutions claires. Songez qu'en Afrique du Sud, il y a eu donc un homme moderne, et qu'à côté de cet homme moderne, 300 000 ans, il y a eu cet homme naledi. Alors, homo naledi, ça ressemble à une sorte de petit préhumain qui, enfin, on l'appelle homo, mais qui continue à grimper. Donc, c'est à la fois un marcheur et un grimpeur, aux côtés de l'homme moderne. Comme Lucie, d'ailleurs. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais Lucie, elle n'est pas notre contemporaine. Oui, mais elle marchait et elle grimpait aux arbres. Absolument, absolument, oui. Mais songez que ces gens-là ont coexisté. Ouais. Alors, est-ce qu'ils se sont ignorés? Est-ce qu'ils se sont battus? Est-ce qu'ils se sont pris en considération et en amitié? On n'en sait rien. Une des toutes dernières découvertes que nous avons abondamment commentées dans cette émission, c'est la découverte d'une nouvelle espèce, Homo lusonensis. C'était en avril dernier. On écoute Florent Détroit, l'un de ses découvreurs, puisque c'est lui qui dirigeait l'équipe internationale. La paternité de la découverte, je ne vais pas me la donner à moi-même. C'est avant tout mon collègue Philippin, qui est le deuxième auteur de l'article qu'on publie aujourd'hui, Armand Mirares, qui a eu cette idée d'aller essayer de chercher de la préhistoire ancienne aux Philippines, qui était une idée assez neuve, en fait, pour les Philippines, étonnamment d'ailleurs. Et c'est lui qui, en 2007, a trouvé le tout premier fossile de cette nouvelle espèce, donc qu'on décrit aujourd'hui Homo lusonensis. Ce tout premier fossile, c'était un métatarsien, c'était un os du pied. Donc découvert en 2007, effectivement, assez profond. Assez vite, on a eu une datation directe, celle qui a indiqué un âge de 67 000 ans. Donc récent pour la préhistoire, c'est-à-dire contemporain avec notre espèce Homo sapiens. Et quand on a commencé à le décrire, on a identifié des caractères assez curieux. Mais bon, la conclusion de la publication, c'était bon, c'est probablement un petit Homo sapiens. On n'avait pas réinventé l'histoire avec un doigt de pied. Mais ça a été une motivation énorme pour repartir sur le terrain. Et 2009 d'abord, et c'est surtout 2011, 2015, qui ont donné tous les fossiles qu'on décrit en fait dans ce nouvel article. Voilà, Homo lusonensis, c'était à la une de la science avec Axel Villard dans La Tête au Carré, Yves Coppens. Est-ce qu'on décrète facilement une nouvelle espèce humaine? C'est quelque chose de facile à faire dans votre domaine? Non, mais enfin, c'est trop facile pour certains chercheurs qui aiment bien accrocher un an nouveau à un bout d'os. Ah ben c'est plus spectaculaire d'annoncer une nouvelle espèce humaine que... Oui, forcément, même si on l'a détruit après, ma foi, elle a eu une existence. mais là, c'est très sérieux. Enfin, tous ces jeunes gens ont pris beaucoup de temps pour étudier les restes qu'ils ont trouvés aux Philippines. Et ma foi, ça se justifie un peu. Vous savez, quand une forme sapiens, par exemple, nous, aujourd'hui, on va s'installer sur Mars, une petite colonie de sapiens sur Mars, et puis on la laisse tranquille pendant un certain temps. Parce que, comme d'habitude sur la Terre, on saurait y aller, mais on n'aura pas les budgets. Donc là-bas, la petite colonie se développe, et quand on ira la voir, on sera étonné de voir que leurs petits-enfants, enfin petits-enfants, s'ils ont proliféré, seront bien différents des petits-enfants qu'on a eus sur la Terre, parce que ce sont des sommes génétiques différentes, forcément. C'est comme ça qu'est apparu Néandertal. Néandertal, c'est un Homo erectus qui s'est trouvé coincé dans l'ouest de l'Europe et qui a évolué un petit peu différemment, par dérive génétique, de son côté, jusqu'à faire cet homme un peu bizarre qu'on a été très étonné de découvrir, etc. Quoi. Vous laissez une espèce sur une île, une île aussi bien océanique que continentale. Vous laissez une espèce sur une île un certain temps, comme c'est un petit effectif, donc une somme de génome différente de la population qu'elle a quittée, ça va petit à petit dériver et faire une nouvelle espèce, et puis un nouveau genre, et puis une nouvelle famille, puis un nouvel ordre, pourquoi pas. Mais on pourrait peut-être à terme se dire que finalement Homo lusonensis n'est pas une nouvelle espèce. C'est imaginable. Moi, j'aime bien le fait de la nouvelle espèce parce que c'est une association de caractères qu'on n'a pas auparavant. Ouais. Et je pense par contre qu'on va trouver d'autres espèces comme Florisiensis déjà, ouais. Flores et maintenant Alusson. Absolument. Et qu'on va en trouver d'autres, quoi. Bon, eh bien on aime bien ça. C'est ça toujours. Ça permettra de revenir. Oui. Eh bien, exactement. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Yves Coppens, d'être venu aujourd'hui commenter les grandes découvertes de ces 13 dernières années. Merci beaucoup avec vous et je suis sûr qu'on se retrouvera dans la Terre au carré. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.